Chapitre 42e. Lorsqu'Adolphe se fut assis sur le banc où les assassins, les empoisonneurs, les incendiaires, les voleurs, qui avaient passé avant lui, avaient usé et poli par place le bois de chêne dont il était formé, les lorgnettes purent l'étudier à loisir. Les commentaires commencèrent alors, et un sourd murmure de voix chuchotante emplit la salle des assises. L'effet général fut la surprise. Sur la foi des récits plus ou moins dramatisés des journaux, on s'attendait à voir un Othello. On fut fâché de se trouver en face d'un homme comme tous les autres, et qui n'avait en lui rien d'extraordinaire ni de fatal. Aussi, le premier mouvement lui fut-il hostile. Il avait trompé les espérances. Quand on tue sa femme, on n'a pas le droit d'être un simple bourgeois. Cependant, quelques profonds physionomistes déclarèrent que sous cette apparence douce et calme se cachait une énergie féroce et des instincts sanguinaires. Cela se lisait particulièrement dans la forme busquée de son nez. Quelques femmes âgées s'étonnèrent qu'étant si beau garçon, il eût été trompé. D'autres, plus jeunes, sourirent de cette réflexion qui voulait être naïve. Mais on annonça la cour. Peu à peu, le silence s'établit. Et l'on vit entrer le président Durand de Loriferne avec ses assesseurs. Le ministère public était l'avocat général Beauménil. À ce moment même, Gontaut parut. Il écarta vivement ses confrères, qui obstruaient le passage, et alla se placer devant l'accusé. Mais avant de s'asseoir, il se tourna vers son client et lui serra chaudement la main. Quelques personnes dans le public s'étonnèrent de ce témoignage de sympathie, car enfin cet accusé était un assassin. On fut surpris aussi de la pâleur de l'avocat, qui paraissait presque aussi ému que son client. Le président se tourna vers l'accusé, et alors un garde municipal posa la main sur l'épaule d'Adolphe, qui tressaillit. C'était pour l'avertir de se lever. Après lui avoir demandé son nom et son âge, le président l'invita à être attentif à la lecture qui allait lui être donnée par le greffier de l'arrêt qu'il renvoyait devant la cour d'assises et de l'acte d'accusation qui avait été dressé contre lui. Cet acte d'accusation commençait ainsi. Il y a environ 5 années, Adolphe d'Alifar épousait Juliette Nélis. Ils appartenaient tous deux à des familles honorables. Adolphe d'Alifar était l'associé de la maison d'Alifar, si connue dans le commerce parisien, et Juliette Nélis commençait à se faire un nom distingué dans l'art de la peinture. D'un caractère exalté, ardent, romanesque, une artiste pour tout dire, la jeune femme qui n'avait accepté ce mariage qu'après une longue résistance aurait eu besoin d'une main prudente et ferme pour la diriger dans la voie du mariage. Malheureusement, elle ne trouva dans celui qu'elle avait épousé qu'une nature indécise, un peu vulgaire, incapable de prendre sur elle l'autorité due au mari et au père de famille. Puis il continuait en relevant tous les mauvais côtés de la nature d'Adolphe, mais sans parler des bons. S'appuyant sur un incident de sa vie de collégien, il le représentait comme un caractère violent et brutal, mais en même temps dissimulé, capable de cacher sa colère et de longuement préparer sa vengeance. Après avoir raconté l'introduction d'Hérol dans la maison et son expulsion, il arrivait à la représentation du Châtelet, et cette représentation devenait un fait considérable sur lequel l'accusation s'appuyait pour démontrer la préméditation. C'était en vue de se préparer une excuse qu'Adolphe avait été à cette représentation, et il n'avait emporté son revolver que pour l'avoir tout près le lendemain dans la poche de son pardessus et tuer ainsi sa femme et le peintre qu'il était certain de surprendre à Passy. Le récit de la tragédie de l'avenue Raphaël était long, précis, plein de détails qui provoquèrent plus d'un mouvement d'horreur dans l'auditoire. Les mains de l'assassin rouges du sang de la victime, de cette malheureuse femme morte à 28 ans, dans tout l'éclat de la beauté, produisirent surtout une longue émotion. En conséquence, termina le greffier, Adolphe d'Alifar est accusé. Premièrement, d'avoir, le 19 octobre, commis un homicide sur la personne de Juliette Nélis, sa femme. Le dit homicide volontaire ayant été commis avec préméditation, crime prévu par l'article 302 du Code pénal. Deuxièmement, d'avoir, le même jour et dans les mêmes circonstances, commis un homicide volontaire et prémédité sur la personne de Francis Erol. L'appel des témoins suivit la lecture de cet acte d'accusation. Au nom de Madame d'Alifard, mère, un grand mouvement de curiosité se produisit dans l'auditoire. Plusieurs personnes se levèrent. Le président commença l'interrogatoire. Sa voix forte et grave avait un accès de bienveillance et de douceur. Il glissa rapidement sur les premières questions et se contenta des réponses qu'Adolphe lui faisait d'une voix faible qui ne dépassait pas le banc des jurés, mais bientôt il l'engagea à parler plus haut. « Nous arrivons, dit-il, à un fait qui, suivant l'accusation, donne la clé de votre caractère. Ainsi, au collège, vous aviez un ami inséparable avec lequel vous aviez vécu pendant plusieurs années dans une étroite intimité. Un jour, sans réseau autre qu'une jalousie enfantine, vous vous êtes jeté sur lui, et bien qu'il fût plus fort que vous, vous avez failli le tuer. Il a fallu venir à son secours et le tirer de vos mains déjà cruelles. Est-ce vrai ? J'avais perdu la raison. C'est-à-dire que vous obéissiez à vos instincts sanguinaires. D'ailleurs, je vous ferai observer que perdre la raison n'est pas une excuse. La bête féroce obéit à ses instincts, l'homme obéit à sa raison. S'il la perd, il cesse d'être un homme. Cette brutalité, cette férocité précoce, doit appeler d'autant plus fortement votre attention, messieurs les jurés, que l'accusé, depuis son enfance jusqu'à ce jour, n'a eu sous les yeux que les exemples les plus édifiants. Son père, qu'il a perdu il y a environ 6 ans, était l'homme bon par excellence. De sa mère, je n'ai rien à vous dire, car vous la connaissez tous, au moins de réputation, et cette réputation, je tiens à le déclarer ici, est des plus belles, des plus honorables. Alors, se tournant vers Adolphe, « Il reste acquis, dit-il d'un ton sévère, que vous n'avez point profité de ces exemples, et que vous vous êtes au contraire abandonné à vos instincts, qui se développant chaque jour, ont fini par vous amener sur ce banc. Voilà pour votre caractère. Maintenant passons à votre mariage. Parmi les jeunes filles qui fréquentaient la maison de madame votre mère, il s'en trouvait une d'une beauté remarquable et qui était douée de toutes les séductions. Elle vous a plu, vous avez voulu l'épouser. Elle a résisté à vos désirs, elle ne vous aimait point. Votre mère aussi s'est opposée à ce projet de mariage. Néanmoins, vous êtes parvenu à violenter le consentement de cette malheureuse jeune fille et à violenter aussi celui de votre mère. Toutes deux, de guerre lasse, vous ont cédé. Ce mariage s'est accompli. Est-ce ainsi que les choses se sont passées ? Puis-je m'expliquer ? Demanda Adolphe d'une voix frémissante. Sans doute. Toute liberté vous est accordée. Et si je vous pose ces questions, c'est uniquement pour vous venir en aide. Ce ne sont pas, il me semble, des questions, c'est un récit. Vous voyez, accusé, combien vous êtes prompt à vous emporter. Mais nous comprenons toutes les difficultés de votre situation, et nous voulons y voir égard, sans retenir ce qu'il y avait d'inconvenant dans votre observation. Faites donc votre récit à votre manière, messieurs les jurés apprécieront. Adolphe commença alors son récit, et il voulut le faire exact et précis, disant sincèrement tout ce qui s'était passé avec Juliette d'une part, et d'autre part avec sa mère. Mais bientôt le président l'interrompit. « Ce sont là des détails, dit-il, qui peuvent fatiguer l'attention de messieurs les jurés. Ce sont les faits qui sont nécessaires et non les réflexions. Vous devez comprendre que la conviction de messieurs les jurés ne peut pas se former sur vos réflexions. Mais, monsieur le président, parlez, vous avez toute liberté. Seulement renfermez-vous dans l'exposé des faits. Au premier mot, vous m'interrompez. Toujours de la violence. Dans votre intérêt, nous vous exhortons à la modération. » Des gouttes de sueur coulaient sur le visage d'Adolphe. Il s'assit avec un geste de désespoir. Mais Gontaut s'étant tourné vers lui, et lui ayant dit à voix basse quelques mots, il se releva, et tant bien que mal, il acheva son récit. « Si messieurs les jurés ont pu vous suivre dans ce long récit, dit le président, il me semble qu'ils auront retenu la seule conclusion qui s'en dégage, à savoir que ce mariage s'est fait malgré celle que vous épousiez et malgré votre mère. Quand je vous ai posé cette question, vous auriez donc pu me répondre par oui ou non. Vous auriez épargné le temps de messieurs les jurés et vous auriez ménagé vos forces. Ce débat sera long, pénible pour vous. Vous aurez besoin de toutes vos forces. » Le président passa à l'examen des premières années de ce mariage, puis à l'introduction d'Errol dans la maison, puis à son expulsion. Expulsion accomplie par Madame d'Alifar mère, qui, craignant la violence de son fils, avait voulu s'en charger seule. Enfin, on arriva au rendez-vous de l'avenue Raphaël et à ce que l'accusation appelait la préméditation de la vengeance. Il y avait près de 2 heures que l'interrogatoire était commencé et Adolphe était à bout de force. Il ne savait plus ce qu'il disait et il ne voyait qu'un brouillard devant lui. Il demanda à se reposer. Il ne faudrait pas que cet interrogatoire fût scindé, dit le président. Sans doute, si vous ne pouvez pas répondre, je suspendrai l'audience. Mais si, en faisant appel à votre énergie, qui nous le savons est grande, vous pouvez persévérer, je vous engage à le faire. Je répondrai, monsieur le président, si vous voulez m'interroger. Vous voyez vous-même ce que les récits ont de mauvais. Je vous interrogerai donc. Et l'interrogatoire continua sur la question de savoir comment le revolver, ce revolver, arme terrible que messieurs les jurés voyaient sur la table des pièces à conviction, comment ce revolver s'était trouvé dans la poche du pardessus et comment ce pardessus s'était lui-même trouvé dans le coupé qui emportait Adolphe à Passy. Sur tous ces points, la réponse de l'accusé fut déplorable. Il rejeta tout sur le hasard et en justice, le hasard est la plus mauvaise des explications. On passa ensuite au flagrant délit. « Ainsi, dit le président, vous êtes introduit par Chabenais dans un cabinet. Alors, que voyez-vous ?» À cette question, il y eut un vif mouvement de curiosité dans l'auditoire, et quelques femmes tirèrent leur mouchoir, mais l'accusé trompa l'attente générale. « Je refuse de répondre, dit-il. « Permettez, insista le président. Si cruelle que soit la question, vous devez y répondre. Nous sommes tous ici pour accomplir un devoir, et si douloureux qu'il puisse être pour messieurs les jurés, pour monsieur l'avocat général et pour moi-même, nous l'accomplissons. À vous d'accomplir aussi le vôtre. Je respecterai la mémoire de celle que j'ai tant aimée, dit-il. Je refuse de parler. Encore une fois, accusé, et dans votre intérêt, nous vous engageons à ne pas persévérer dans ce silence, qui deviendrait contre vous la plus terrible des accusations. On eut entendu une mouche voler dans la salle. Adolphe ne parla pas. Après avoir attendu plusieurs minutes, le président continua. « Voulez-vous dire au moins, messieurs les jurés, comment vous avez accompli le crime dont vous charge l'accusation ?»« J'étais dans ce cabinet. À un certain moment, je me suis élancé dans l'atelier où il se trouvait. Dans ce mouvement rapide, ma main droite a frappé contre ma poche dans laquelle se trouvait mon revolver. » Alors, vous l'avez atteint. Comment cette idée m'est-elle venue? Je n'en sais rien. Comment ai-je tiré? Je n'en sais rien non plus. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'étais assez misérable pour tirer. Ce n'est pas là à répondre. C'est tout ce que je puis dire, puisque je n'en sais pas davantage. Un certain laps de temps s'est écoulé entre la première détonation et la seconde. Comment, pendant ce temps, n'êtes-vous pas revenu à vous-même? Comment, après avoir tué ce malheureux tombé à vos pieds, avez-vous pu tirer sur votre femme, sur celle que vous aimiez tant, dites-vous? Je ne sais pas, j'avais perdu la tête, j'étais fou. C'est là votre système, vous n'avez pas autre chose à dire. Messieurs les jurés apprécieront. L'audience est suspendue pour 20 minutes.